dîner dansant. Ce soir on va s'amuser. Ce soir on va s'amuser. On va danser toute la nuit. On va danser toute la nuit. On va manger fatigué. On va manger fatigué. Je promets de tout offrir. Promets toujours. Chérie, je viens te gâter. On connaît la chanson. Oh. Toi et moi jusqu'au matin. Mon père, ce soir quand tu passeras, ce soir,